Un dîner splendide, improvisé par Célestine, rappela les dîners de la cantatrice au vieillard qui fut étourdi des splendeurs de sa famille. « Vous fêtez le retour du père prodigue, » dit-il à l'oreille d'Adeline. « Chut, tout est oublié, » répondit-elle. « Élisabeth ? » demanda le baron qui ne vit pas la vieille fille. « Hélas ! » répondit Hortense. « Elle est au lit, elle ne se lève plus, et nous aurons le chagrin de la perdre bientôt. Elle compte te voir après dîner. » Le lendemain matin, au lever du soleil, Ulfis fut averti par son concierge que des soldats de la garde municipale cernaient toute sa propriété. Des gens de justice cherchaient le baron Hulot. Le garde du commerce, qui suivait la portière, présenta des jugements en règle à l'avocat en lui demandant s'il voulait payer pour son père. Il s'agissait de 10 000 francs de lettres de change, souscrites au profit d'un usurier nommé Samanon, et qui probablement avait donné 2 000 ou 3 000 francs au baron d'Hervy. Ulfis pria le garde du commerce de renvoyer son monde, et il paya. « Sera cela tout ? » se dit-il avec inquiétude.